Lunatic, Booba Ali, 9 de I, à la vie, Inch'Allah, Général. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée. De ceux pour qui le jour porte conseil, quand c'est la nuit qu'on agit, traîne ma chair et mon ossature vers n'importe quelle attitude, sous n'importe quel degré. Le monde est vaste, pour certains trop petits, séparés en deux castes. Ceux qui répandent l'amour et ceux qui dépendent de la haine. On y grandit en perdant l'innocence que chacun nous possède à sa naissance. Combat nos faiblesses, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence. Adam structure mon ADN, n'est non pas pour vivre seul. Cause au nom de l'universel, puise mes instruments dans la flore pour ma faune, dans la rue pour mes gens, aux instincts faux, va nous les fautes. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion, te prive de contrôle, primitive réaction, reviens les choses. Que veux-tu que je dise quand s'enfonce les têtes de mon 92 enfance? Trop se plaît, attiser, vomir, spliff avant de dormir, et dès le matin remise. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Pas le temps pour les regrets. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tes larmes ou le drame. Depuis le CP les piges, c'est que c'est niqué, donc je fais mon billet. Si je dois te briser pour briller, hors de portée mort, de rire sans remords. Quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre, t'écoutes du RAP, les mecs qu'on n'a rien à péter. A tout niquer, je viens m'apprêter, m'aider. Les femmes et les enfants à l'abri, y'a nos refs prêts à agir avec magie qu'attendent à la grille. Mon vrai regard fait coup dur, hématome et pointe suture. Brolique à la ceinture et plus lourd dans le coffre de la tire. Les cerveaux saturent, par manque d'amour et d'air pur. Tout comme le chien, on a besoin de verdure. Mais on est des hommes, donc on endure. Réduit dans des zones, 92 autres scènes. Géographie, qu'on s'ouvre les portes de l'enfer. Que la nuit suffit pour couverture. Ce défi, le vice et la vertu. Les erreurs pèsent sur les cœurs. Seul le repentir sincère pour les mettre à l'écart. Mais pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les pas regrets. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Mais pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Mais pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Mais pour amener ma part de progrès. J'ai de haine et d'eau fraîche, d'illicité de péché. Mon seul taf, j'rappe sur SP12 MPC. J'vois pas mes frères agir à jeun sans le bise. Incapable de survivre, ils s'lèvent le matin mais juste pour pisser. Les soirées sont chèques et sont que j'n'ai. J'suis tellement nasque que pour kiffer, j'dois me défoncer au whisky. Du son pour les roues, un putain de flot de banlieue pour les roues. Peur négro pisse et les terroristes. Éclate à location, insertion. Sous pression comme nos consommations des consorts. Bédaf comme si c'est permis, la vie c'est. Les griffes avec du vernis string 90C. Suicide à la HIA. Trop fire pour aller prier. J'ai peur de crier quand je vais griller. 92 hardcore. Depuis le jardin d'Eden, j'avale une bouteille. Et je m'endors avec du Wu-Tang. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Nés pour amener ma part de progrès. Comme tous progrès.